t'aimer. Quand on n'est pas soi-même, souvent on veut abandonner. Déçu de ne pas être un tandem, on ne peut plus se contrôler. On arrive à l'extrême, plus personne pour nous guider. Comme dans un intérêt, sonné, j'ai même frappé à la porte. Sonné, mais je n'ai jamais pu entrer. Sonné, pour toi j'étais une plante quasiment morte. Sonné, qui n'avait aucune chance de se relever. Oh. Il est une nuit à ne penser qu'à toi. Je me crée des films en me voyant dans tes bras. Je te fais tes appels en devenant encore plus belle. Mon amour était loin d'agir sur toi. Je n'étais qu'une gamine pour toi. Je parle de mes sentiments sur quelques notes. Sonné, d'un amour passionné. Sonné, tu blessais une partie de ma personne. Sonné, ok, je me plairai à ta volonté. En me voyant souffrir, en me voyant malheureuse, je ne pouvais qu'en déduire des conséquences pernicieuses. Je culpabilisais de t'avoir trop aimé. Je t'idolâtrais pour en fait gagner un cœur blessé. Sonné, tu visais toute personne. Relation professionnelle, c'était assez. Devant cet amour, j'étais si forte. Je n'étais que des tas assez tranchées. Comme si tu as t'aimé. On ne peut plus se contrôler. On arrive à l'extrême. Plus personne pour nous guider. Comme dans un intérêt. Si tu as t'aimé, quand on n'est pas soi-même, souvent on veut abandonner. Oh, si tu ne peux pas être un tandem, on ne peut plus se contrôler. On veut abandonner, déçu de ne pas être un tandem. On ne peut plus se contrôler. On arrive à l'extrême, plus personne pour nous guider. Comme dans un intérêt.